Il se leva avec la résolution de prévenir son frère, de le mettre en garde contre cet affreux danger menaçant l'honneur de leur mère. Tout en rentrant à la maison paternelle, il songeait qu'il devait voir son frère seul, afin de ne point parler devant ses parents d'un pareil sujet. Dès la porte, il entendit un grand bruit de voix et de rire dans le salon, et comme il entrait, il entendit Madame Rosemilly et le capitaine Beausire, ramenés par son père et gardés à dîner, afin de fêter la bonne nouvelle. À la fin d'un plantureux repas bien arrosé, Madame de Rosemilly est invitée à porter un toast. Elle leva son verre et, d'une voix gentille, un peu nuancée de tristesse, « Moi, dit-elle, je bois à la mémoire bénie de Monsieur Maréchal. » Il y eut quelques secondes d'accalmie, de recueillement décent, comme après une prière, et Beausire, qui avait le compliment coulant, fit cette remarque. « Il n'y a que les femmes pour trouver de ces délicatesses. » Puis se tournant vers Roland, père, « Au fond, qu'est-ce que c'était que ce maréchal? Vous étiez donc bien intime avec lui ?» Le vieux, attendri par l'ivresse, se mit à pleurer, et d'une voix bourdouillante, « Un frère, vous savez, un de ceux qu'on ne retrouve plus. Nous ne nous quittions pas. Il dînait à la maison tous les soirs, et il nous payait de petites fêtes au théâtre. Je ne vous dis que ça, que ça, que ça. Un ami, un vrai, un vrai. N'est-ce pas, Louise ?» Sa femme répondit simplement, « Oui, c'était un fidèle ami. » Pierre regardait son père et sa mère, mais, comme on parla d'autre chose, il se remit à boire. De la fin de cette soirée, il n'eut guère de souvenirs. On avait pris le café, absorbé des liqueurs et beaucoup ri en plaisantant. Puis il se coucha, vers minuit, l'esprit confus et la tête lourde. Il dormit comme une brute jusqu'à 9 heures le lendemain.